Il y a d'autres occurrences du chiffre 3 donc dans la structure. Oui, il y en a plein. Il y en a plein, et puis dans la structure. Mais le chiffre 3 apparaît plus dans Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres, parce que là, je l'ai vraiment fait apparaître dans la structure. Il y a trois parties, trois chapitres dans chaque partie, sous-chapitres dans chaque chapitre, et surtout, il y a trois écritures différentes. Il y a l'écriture du jeu, il y a l'écriture du dialogue avec le lecteur, et il y a l'écriture que j'appelle l'écriture rapportée, il fallait que je trouve une troisième écriture, ce que j'appelle l'écriture rapportée, et qui est l'abondance de citations, d'exergues, dans Pourquoi je n'écris pas mes livres. Il y a un nombre incroyable de citations, celles qui sont visibles, celles qui sont moins visibles, et il y a donc, je voulais qu'il y ait trois écritures différentes. Bon. Donc, mais je reviens. Il y a une question. Oui. Pourquoi trois? Ah, mais non, c'est une contrainte. Enfin, voilà, il a trouvé. Moi, je pense que c'est plutôt... Non, c'était une plaisanterie. Je pense que c'est plutôt ma formation... De la dissertation. C'est tout. En fait, c'est d'abord les trois, Abraham, Isaac, Jacob. Oui, bon, et ça, c'est vraiment... J'ai été formé par ça. C'est comme ça que je l'ai entendu. Voilà. Il y a ensuite... Ensuite, les trois mousquetaires. Il y a les trois fonctions. Enfin, quand je suis devenu historien de l'Antiquité, quand même, il y a du Mésile, trois fonctions mésiliennes. Enfin, il y a tout ça. Je me suis trouvé dans le 3. Et puis, j'aime bien le 3. Moi, mon chiffre fétiche, quand j'étais petit, quand j'allais dans des loteries, là, je jouais toujours le 9, parce que c'est 3 fois 3. Et je gagnais. Oui, en plus, j'avais trois fois plus de chances de gagner. Et le 9 est tout à fait. Je suis né un 29 juin en 1939. Il y a le 9 joue un rôle. Joue un rôle comme ça. Bon, je suis pas du tout. J'ai pas du tout la manie de la numérologie d'aucune façon. Je suis pas ni comme Perec ni comme Queneau. Mais c'est un truc. Quand j'étais enfant, j'aimais bien le 9 et le 3. Voilà. Donc, tout ça m'a permis de faire, finalement, les livres que j'ai faits dans cette dimension qui revient toujours, donc, de la distance par rapport au récit lui-même. Le récit d'un échec ou d'un pseudo-échec qui devient, en fait... objet réussi, l'utilisation des restes, la réutilisation des restes, qui est pour moi fondamentale, puisque je me souviens que dans la journée que m'avait consacrée, j'avais fini par faire un exposé qui s'appelait « Et tout le reste est littérature ». En inversant la formule, la littérature est faite de restes. En tout cas, pour moi, en tout cas, la littérature est quelque chose qui est faite de restes. Alors, je pourrais me lancer dans une longue dissertation sur le reste, le recyclage, l'intertextualité. Enfin bon, à partir de cette notion de reste, on peut retrouver pratiquement toute l'histoire littéraire. Mm-hmm. Et donc, voilà. Il y a une parenté, en t'entendant parler, avec les pratiques de l'art moderne aussi, non? Absolument. Consiste à faire une œuvre d'art nouvelle avec des fragments, des objets quotidiens ou des restes, justement. Voilà. Tout à fait. Et donc, je me suis retrouvé dans cette problématique de la réutilisation des restes et de la distance ironique par rapport à l'objet du livre, par rapport à la littérature. Et dans tout ça, Louis Pau a joué un rôle très important. Louis Pau et Perec ont joué un rôle important. puisque quand je suis entré à Mexico, j'avais quand même jamais rien écrit. C'était quand même... Ouais, tout de même, une thèse. Une petite thèse, quand par même, exemple. Oui. Oui, mais laquelle avait été publiée, non sans un certain succès. Ah bon, je... Oui, non, non, mais j'avais jamais écrit rien de littéraire. Et il y avait de la part des Olympiens une espèce de chèque en blanc, chèque en blanc qui m'avait été signé et dont il fallait que je finisse par être digne. Mais tu es pas le seul, hein, l'histoire de l'Olympien. Ouais. Tu n'es pas le seul, c'est pas du tout une règle. Hein. Non. Tu n'as pas besoin d'avoir publié. Pour... En effet. Mais c'était cette règle, enfin cette absence de règle, elle est toujours existante pour des gens qu'on recrute comme mathématiciens. Pas seulement, regarde Daniel. Ouais. On parle de Daniel Lévy-Beckett, c'est vrai. Et Albert Maréchut, il avait une œuvre. Oh là là, c'était de critique. Dit, de critique. C'était un grand savant. Pardon. Mais aussi, j'étais encore jeune. Pas de la même façon. Pas de la même façon. Le problème d'âge, la compétence de Marcel était extraterritoriale par rapport à Mingo. Tandis que celle d'Albert Maréchut était tout à fait. C'était l'homme de la poésie scientifique en elle France. Elle était centrale. C'était l'homme des plagiaires par anticipation. On ne dira jamais assez l'importance qu'Albert Maréchut a eue dans la jeunesse de Oulipo. On n'a pas de trace de ça, mais c'est une importance absolument colossale. Oui. Au point que dans le volume, dans la préface d'un volume d'Albert Maréchut, donc Queneau avait fait la préface, et il dit... Quand j'ai fondé l'Oulipo avec Albert Maréchut. Ah oui, il ne dit pas j'ai fondé l'Oulipo avec François Le Viennet, il dit j'ai fondé l'Oulipo avec Albert Maréchut. Bien sûr, c'était un rôle théorique massif. Dans les mémoires de son fils, Joël, il l'évoque et il dit que son père n'osait pas dire en famille ce qu'il allait faire et qu'il sortait le soir en catimini pour monter quelque chose pour l'histoire de la littérature important, etc. Mmh. Et c'était la jeunesse de l'Oulipo. Et c'était l'Oulipo. Donc c'était quelqu'un de très essentiel. Mmh. Voilà, donc je voulais juste situer un peu les choses dans la continuité, finalement, de ce que tu as dit, et ce qui est valable pour l'épopée familiale, et donc valable pour tous les autres textes, l'architecture... les restes. Et j'aimerais bien répondre à des questions. Cécile. Justement, je voulais poser une question sur les textes produits par ordinateur. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à cette volonté d'écrire sans écrire, ou est-ce que c'est marginal? Non, c'est un peu marginal par rapport. Quel texte, par exemple? Les aphorismes, tout ce que j'ai pu faire dans le cadre d'Alamo, c'est autre chose. Ça se rattache, si tu veux, à ça, dans la mesure où c'est le jeu avec le langage, la réutilisation des moule d'aphorismes pour fabriquer de nouveaux aphorismes, la réutilisation des morceaux d'alexandrins, des hémistiches pour faire de nouveaux alexandrins, des morceaux de locutions pour faire de nouvelles locutions, etc., etc. Tout ce que j'ai fait de ce côté-là et qui a pu être informatisé est lié à cette utilisation du langage cuit. De ce qu'on appelle à l'Oulipo le langage cuit, c'est-à-dire tout ce qui est figé, tout ce qui dans le langage est figé, locution, proverbe, aphorisme, citation, titre de livre, titre de film, et qu'on essaye de faire reverdir, hein, reverdir le langage cuit. Ça, c'est plutôt ça irait plutôt avec l'utilisation des restes, si tu veux. Avec le jeu avec le langage. Et c'est parmi les premières choses que tu as fait à l'Oulipo? Oui. Oui, le LSD d'abord. Le LSD, on l'a fait avec Georges avant l'Oulipo. Puisque c'est ce qui nous a fait entrer à l'Oulipo. Et à l'Oulipo, donc ce que j'ai fait, ce qui est... Il faut expliquer peut-être, Marcel, le LSD. Le LSD, alors. C'est pour ceux qui pourraient penser que vous vous livriez... littérature semi-définitionnaire, alors, voilà. c'est aussi le PALF, production automatique de littérature française. Donc c'est l'exercice auquel on s'était livré avec Pérec. L'idée était de prendre une phrase... de prendre les mots importants de la phrase, donc les verbes, les substantifs, les verbes et les adjectifs, et de les remplacer par leur définition dans un dictionnaire donné, par une de leurs définitions dans un dictionnaire donné. Et ce qui permet et de recommencer ensuite avec la phrase ainsi obtenue, recommencer. Alors au bout de 4 fois, on a un énorme matériau avec lequel on a ensuite un peu de mal à se... On en trouve des exemples dans l'anthologie de l'Oulipo. J'en ai pas. Dans la littérature potentielle, il y a un cahier Georges Perec, le cahier 3, dans le qui s'appelle Presbytère et prolétaire, parce que les deux phrases que nous avions prises, c'était « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat, d'une part, et d'autre part, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Mm-hmm. » Et le projet initial était de partir donc de presbytère, de faire gonfler de plus en plus la phrase, et puis ensuite de la faire descendre, de la faire dégonfler pour arriver à prolétaire de tous les pays, unissez-vous, pour bien montrer que de quelques lieux que l'on parte, on arrive à la révolution. On part de Béraud, on va vers Mélenchon. C'est ça. Est-ce que tu serais d'accord pour considérer ce travail sur du matériau existant comme des ready-made littéraires? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui te... Tout à fait. Donc assez du champion, même dans la titule. J'ai fait un petit texte dans le volume, dans une des bibliothèques philippiennes, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et c'est le texte qui s'appelle Biblioclaste et Bibliodule, ou Cépage qu'on arrache. C'est une bibliothèque qui s'appelle. Pardon ? C'est pas bibliothèque. Dans la bibliothèque. Et où je raconte. Michel Leiris raconte que Raymond Roussel n'emportait jamais des livres. Il arrachait les pages des livres et les mettait, quand il voulait lire, il les mettait dans sa poche. et j'ai fait une recherche. Il y a plusieurs autres écrivains qui ont comme ça. Cette mauvaise habitude, et ce que j'appelle donc des biblioclastes, et je considère que précisément ce sont des ready-made. C'est une façon de s'emparer de l'écriture des autres et d'en faire sa propriété. Il y a une variable quand même qui s'est glissée dans tout ce dispositif-là, qui ne nous rajeunit pas, hein, Marcel. C'est la variable de la mémoire collective qui modifie sensiblement la lecture de ces objets. Hein. Combien de fois on a remarqué que les Alexandrins greffés... Les Alexandrins greffés... Donc, ce qui semblait être au départ un langage cuit, donc un langage... connu de tous, accepté par tous, et collectif sur lequel on peut travailler, en vérité, si on glisse la variable mémorielle avec l'âge qui vient, on s'aperçoit que c'est des textes qui glissent assez vite dans l'oubli, oui, ou dans l'opacité, Oui, alors, ils étaient d'une grande clarté. Donc ça devient, un jeu pour érudits. Voilà, ça devient un jeu pour quelques érudits d'une génération qu'on peut considérer comme un peu cabossée, même si elle n'est pas toute perdue, mais un peu abîmée. Et donc, il y a cette variable-là, et ça joue, et ça opère évidemment de façon absolument éblouissante dans les jeux Me souviens de Jean Spérec, puisque là, on est sur une matière de mémoire qu'on croyait collective et qu'on croyait bétonnée, puis qui en fait n'est rien de tout ça, elle n'est ni collective, ni bétonné, et le temps qui passe l'a fait partir en vrille, malgré les efforts désespérés pour faire le je me souviens de je me souviens, je me souviens encore plus de je me souviens encore mieux de je me souviens. Il y a toujours un. Paul veut dire qu'on n'arrive plus à identifier les références du texte et qu'il faut mettre des notes et ainsi de suite. Oui, puis des notes de notes. Nos enfants n'ont pas nos référents culturels. Non. Pas ceux-là. On reconnaît. Moi, je me suis amusé à faire des listes, par exemple, des listes de vers dans mes revues, je ne sais pas si vous l'avez lu ou quoi. Et quand je le présente à des enfants, si j'ose dire, excusez-moi, de 40 ans ou quoi, ils ne reconnaissent pas. Ben oui. Ils ne reconnaissent pas parce qu'ils n'ont pas appris le Cid par cœur en entier, ils n'ont pas appris ci, ils n'ont pas appris ça. Alors imaginez si vous, comment. Le référent culturel, le monde culturel, change très vite d'une génération à l'autre. D'où le fait que le je me souviens, effectivement, ça fait des échos chez nous, et ça ne peut pas en faire autant parce que on se souvient pas, c'est de l'histoire. Pour moi, c'est pas de l'histoire. Ce dont il se souvient, je m'en souviens aussi. Plus ou moins, mais ça fait des échos, en tout cas. Mmh. Et chez mes enfants, ça n'en fait pas. Et oui. C'est pour ça que quand on travaille sur des invariants, parce qu'on pense être des invariants, on s'expose immédiatement à devenir caduque à l'échéance d'une génération. D'une demi-génération, d'une génération, Oui, parce que évidemment, Pérec choisit de ne pas faire référence à de grands événements historiques constamment. Et il s'intéresse à toutes petites choses du quotidien. Les grands événements historiques sont comme les grands alexandrins. Les grands événements historiques vieillissent. Oui. L'infraordinaire et l'infraordinaire disparaît. Moi, il y a une phrase sur laquelle j'aimerais bien revenir, Marcel. C'est celle que tu cites à la fin de l'épopée, quand tu dis qu'on écrit, tu es persuadé qu'on écrit toujours le même livre. Dans ton cas, il semble plus exact de dire qu'on écrit toujours pas le même livre. C'est ça qui est. Ben oui, parce que c'est quand même le moteur de ton travail d'écriture. Et donc, il y a quand même cette idée d'un éternel refus qui est le foyer même de la création. Moi, j'écris toujours le même livre. En n'écrivant pas des livres différents, précisément. C'est très auto-référentiel. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Marcel. Oui. Et je parlais tout à l'heure de la figure de la prétérition, parce que c'est un peu ça. Je ne parlerai pas d'eux. Mmh. Et en fait, on en parle quand même, mais sous une forme différente de ce qu'on. Ouais, non, on reconnaît le latiniste. Oh là là. Oui. Cécile. En ce qui concerne le langage cul, est-ce que c'est quelque chose qui apparaît dans tes autres ouvrages ou qui est plutôt second en fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui est une préoccupation importante pour toi ? Oui, de temps en temps, j'aime bien en glisser dans les textes. Par exemple, dans « Pourquoi je n'écris aucun de mes livres », il y a une citation d'un dénommé Malurcé qui a été relevé par certains et qui est sur le vide papier sont les chants les plus beaux. Mm-hmm. Où on reconnaît sur le vide papier de Mallarmé et les chants les plus beaux de Musset. Non, ça fait Malurcé. Voilà, c'est un poète donc. Un poète qui n'existe pas. Donc j'aime bien dans Tamara, il y a beaucoup d'aphorismes, il y a des choses comme ça que je me suis amusé à glisser et c'est des petits clins d'œil au lecteur qui peut connaître ça. Et moi, du coup, ça me pose la question de la traduction. Puisque je sais que notamment ta traductrice italienne a fait un très beau travail sur Jette ce livre. Alors comment sont traduits justement ces éléments de langage cui ou ces aphorismes? Quelles ont été les différentes options adoptées par tes traducteurs? Eh bien écoute, si la chose t'intéresse, la traductrice a fait une postface dans sa traduction, une superbe postface où elle expose exactement tous les problèmes qui se sont posés. Eh bien, nous avons pris, parce qu'elle m'a consulté chaque fois, nous avons pris des partis différents selon les cas. Tantôt, elle a essayé de traduire simplement, tantôt elle a traduit simplement, tantôt elle a essayé de trouver, par exemple pour les vers, elle a essayé de trouver des vers équivalents dans la tradition italienne. Et finalement, ça passe, d'après les lecteurs, ça passe très bien. Ça donne le même... Ça fait le même effet en italien que l'effet que ça faisait en français. Et en anglais, est-ce que ça a déjà... Non, en anglais, je ne sais pas. Je n'ai pas participé à la traduction de ce livre. J'ai participé à la traduction des trois autres. D'accord. Mais Jette ce livre, j'y ai pas du tout participé. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Tu n'es pas tombé sur un traducteur qui ne voulait pas traduire le livre qu'il fallait traduire et qui s'en est... Pourquoi je n'ai pas traduit Marcel Benabou? Tiré par d'autres biais. Oui, ah ben, il a évidemment... Il s'est fendu d'une préface qui s'appelle « Pourquoi je n'ai pas traduit Marcel Benabou ?» C'est pas d'ailleurs une préface, parce qu'il a publié ça. On a du mal à le trouver, Jette ce livre, non? Ça a été... Jette ce livre est totalement épuisé. Oui. Il est totalement... Ça a atteint des prix, mais faramineux. Il a été longtemps chez Mona Lisa pour rien, et bien maintenant, il est parfois sur eBay pour cher. voilà. Totalement introuvable. Ou sur Amazon. Bon, j'en ai un exemplaire, mais je le garde. Écoute, Jette ce livre avant qu'il soit trop tard. Vends ce livre avant qu'il soit trop tard. Oui. Pourquoi il ne le refait pas dans la bibliothèque du 21e siècle? Écoute, je l'ai demandé plusieurs fois. C'est mieux que le condottiere. C'est une meilleure action. Le condottiere, il se vend comme des petits pains. Une bonne action commerciale. C'est une bonne affaire, une excellente affaire commerciale. C'est comme ça. Tu es bien placé pour savoir. Oui, je t'en remercie. Maurice Hollander ne trouve pas qu'il soit urgent de republier Jette ce livre. Parce que c'est un titre qui pourrait aussi avoir une place dans l'imaginaire, par exemple. Le problème, c'est que les droits ne sont pas galimardeux, mais dans l'imaginaire, ça pourrait tout à fait avoir sa place. En plus, j'ai les droits. Il n'y a aucune demande à faire à personne. J'ai récupéré les droits de tous mes livres. Mais tu peux demander peut-être alors quand même à Gallimard, s'il ne pourrait pas le faire dans l'imaginaire. Ça irait bien, ça collerait bien. Et Paul, ils n'ont pas voulu prendre pourquoi, alors tu penses? Enfin. Ils m'ont envoyé promener, ils m'ont dit que pourquoi ça ne les intéressait pas, et c'est pour ça que je suis retourné au seuil. On peut leur envoyer une lettre collective. Pourquoi l'éditer? Voilà, créer un mouvement d'opinion. Oui, non, c'est dommage. Quoique, c'est dommage, mais ça donne un certain plaisir à ceux qui l'ont. Voilà, et puis... Oui. Voyez-vous, mais ils ne sont pas assez nombreux. On fait partie des Happy Fews, pour employer un langage étrange. Et on est un peu fiers de l'avoir, et peut-être de le prêter, de dire attention, etc. Ouais. La rareté fait Marc Lévy. Maintenant, 30 millions de personnes l'ont. C'est bon qu'il vous arrête les ventes du Marc Lévy. Il y a un peu l'interdit d'avoir ça. Il faut garder les frustrations. Ouais. Ça, c'est un peu dommage quand même. J'aimerais bien. Pas là. Si le livre avait marché comme il aurait dû marcher, nous serions peut-être pas là, Marcel. Oui. Nous serions peut-être au Caraïbes. On serait au Caraïbes en train de. Si, voilà. ou à l'Académie française. Ah. En fait, vous savez, tout à l'heure, on parlait avec M. Fournier, et la première séance, quand il est intervenu sur la liseuse et tout, il a fait une petite démonstration, un schéma, et soi-disant, il a parlé, une façon de parler de la contrainte et tout. Et pour vous aussi, puisque vous êtes olympien, et donc tout à l'heure, je lui ai dit, mais est-ce que c'est à ce point contrôlé? Est-ce qu'on peut vraiment faire tellement de calculs quand on est olympien et tout? À quel moment ça vous échappe, en fait, les choses et tout? Il m'a dit, je déplace les moments où ça échappe, je les déplace ailleurs. C'est le rôle de la contrainte. Hein. Oui. Je voudrais juste, si vous me dites un peu plus. Oui. Ben, je vais essayer de vous dire un peu plus, mais à l'Oulipo, nous n'avons pas tous exactement le même rapport à la contrainte et nous n'avons pas tous les mêmes contraintes. Par exemple, la liseuse, Paul a sa contrainte du nombre de lettres ou de mots. Lettres, signes. Les signes. C'est le signe, oui, pardon. Signes, c'est pas les lettres, c'est les signes. C'est les signes. Bon, moi, je n'ai jamais eu de contraintes de ce genre. Et donc, moi, ce sont plutôt... j'ai des contraintes donc, de deux types. D'une part, des contraintes de structure, avec, en général, donc, des chiffres. Là, ce livre, c'était 4. Hein, le nombre, c'était 4. Alors là, il y a beaucoup de choses autour du 4. Il y a 4 parties, etc., etc. Donc, j'ai besoin de contraintes de structure, précisément parce que j'ai besoin de caser mes morceaux de texte déjà écrits. J'ai besoin de les mettre dans une structure. Donc là, ça ne concerne que moi. Le lecteur n'a pas du tout besoin de s'en apercevoir. J'ai un deuxième type de contraintes qui sont des contraintes qui me permettent de trouver des choses à dire. Si par extraordinaire, quand ma mémoire ne me fournit pas du matériel, je peux me donner une contrainte. Alors, c'est de type purement verbal. Dans pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres, j'arrive à un chapitre. Je voulais faire un chapitre sur la théorie, sur quelles étaient mes théories autour de la littérature, et je pars des mots du mot écrire. Je prends le verbe écrire et voilà. Et je dis, écrire, c'est tracer deux lettres, hein, le E et le C, tracer, et puis rire. Voilà, tracer deux lettres et puis rire. À partir de là, je bâtis toute ma théorie sur l'écriture comme distraction, l'écriture comme lieu de plaisir. Et puis, je prends le mot « mot », hein, on écrit avec des mots, je prends le mot « mot », et je dis que le mot « mot » porte la mort sans en avoir l'air. Dans le mot « mot », il y a la mort, il n'y a pas l'air du mot « mort hein. ».« Mot » égale la mort sans air. Bon, le mot « mot » porte la mort sans en avoir l'air, et alors là, j'ai toute la vision tragique, la littérature, comme Blanchot et compagnie, vous voyez. Et voilà le genre de contraintes que je... Ou alors... Autre chose, je ne sais pas, on écrit sur du papier blanc, hein, on a besoin de papier blanc pour écrire, mais si on prend le mot, si on prend la préposition sur, pas dans le sens de sur, mais de sur topographiquement, mais sur comme sujet, donc écrire sur du papier blanc, donc ça me donne, j'avais pas pensé à écrire un chapitre sur le papier blanc. Sûrement, j'écris tout un chapitre sur mes rapports avec le papier blanc. Voilà, voilà où se loge chez moi très souvent la contrainte, et en particulier dans pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres. Il y a aussi plein de choses. Il y a plein de choses comme ça. Donc, j'étais parti de « Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué ». Et au lieu de faire comme Roussel, donc de faire des articulations phonétiques, j'ai fait au contraire, j'ai essayé de trouver des formules analogues. Donc j'ai parlé d'un théâtre où n'avait jamais été joué aucune pièce, d'un abattoir où n'avait jamais été abattu aucun animal, etc., etc. Et ça m'a permis de faire tout. Ouais, ça, c'est comme les proverbes. Pardon ? Ça, c'est comme les proverbes. Si tu veux, oui. Ah, c'est pas drôle. Mais si tu veux. Oui, mais c'est vrai. Oui, j'avais pas. Comme ce sont deux choses que j'ai faites à des moments différents, mais effectivement, donc j'ai pris des formules toutes faites, comme faisait Roussel. Et donc, au lieu de les désarticuler phonétiquement, j'en ai fait des calques sémantiques. Et ça me permet d'écrire. Ça me permet d'ajouter des éléments auxquels je n'avais pas spontanément pensé. Voilà mes deux utilisations de la contrainte. La structure, et puis... des éléments qui ne viennent pas, auxquels je ne pense pas spontanément et qui me viennent, qui est vraiment où je donne, enfin, comme Mallarmé, je donnais l'initiative aux mots. De temps en temps, je prends une phrase ou je prends un mot et je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux en tirer ? Je veux une autre question. Mais comment ? Je suis là pour ça. Merci, merci. En fait, donc, on était dans la contrainte, n'est-ce pas ? Oui. Et donc, l'Oulipou, j'imagine que ça, c'est la littérature. Sans accès. L'Oulipou, pardon ? C'est de la littérature, je ne dis pas toujours. Oui, mais bon, mais pour faire votre œuvre, en fait, pour faire œuvre à côté de la contrainte, qu'est-ce que vous me dites encore ? Ah ben, j'ai dit la mémoire, j'ai parlé de la mémoire obstinée, j'ai parlé... Et quand il n'y a pas de mémoire ? Ah ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez me faire dire, mais... Non, mais moi, je vais reprendre alors ce qui a été dit. Il semble que d'un livre à l'autre, il y a une sorte de... Bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de la mémoire, de substrat autobiographique qui parvient à se dire quand même, malgré peut-être une certaine pudeur. Enfin, c'est pas de l'autofiction ou contemporaine où on s'exhibe sous toutes les coutures, on est bien d'accord. Et donc le dispositif... que tu mets en place à travers les contraintes ou à travers simplement une savante construction permet de prendre de la distance, d'interposer aussi le regard ironique. Et du coup, tu dis des choses quand même très personnelles. Tout à fait, oui. Bon, le degré de vérité autobiographique est peut-être pas déterminant, mais enfin, il y a des choses qui sont très certainement autobiographiques, ou des émotions qui passent, en tout cas. Et il me semble qu'effectivement, une des fonctions du dispositif, c'est aussi de permettre ça. Et donc, tu gagnes sur les deux tableaux, finalement, parce que tu gagnes sur le tableau ironique, humoristique. C'est vraiment des textes très agréables à lire. Je vous recommande, en particulier, bon, Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres, qui est un vrai régal. Et en même temps, quand on a lu... ce livre-là, Jacob Menahem et Mimoun, ou écrire sur Tamara, on a des senteurs orientales, on a des souvenirs de pâtisserie, j'en parlais tout à l'heure, des situations particulières, ce moment, des oranges, voilà, toutes sortes de choses qu'on trouve dans des livres plus traditionnels, mais qui sont là aussi, hein, mm-hmm. qui nourrissent les choses. Ce qui fait que c'est pas impur, je sais pas si ça répond à la question qui a été posée, c'est pas un pur jeu sur les formes, etc. Un peu comme, bon, d'une toute autre façon, mais un peu comme chez Pérec. Un peu comme chez Pérec. L'expérience topographique nourrit les choses et leur donne une vraie profondeur, une vraie substance. Je ne sais pas ce qu'en pense Paul. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Bon, y a de l'émotion, c'est certes, mais c'est l'extrême plaisir qu'il y a à vous. C'est ça qui me paraît vraiment fondamental. Ce que je les échos du genre... Une allusion, alors vous parlez des universitaires d'intertexte, ou je ne sais pas trop, parce que vous pouvez m'excuser, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, mais c'est, moi je rejoins M. Benabou essentiellement sur la notion du plaisir qu'il me donne à lire des clins d'yeux, quand je les vois, je sens qu'il y en a qui m'échappent, donc je relis, des fois j'en retrouve, et c'est essentiellement ça. Ce n'est pas quelque chose comme certains verraient l'Oulipo, comme un espèce de monstre froid qui fait des textes comme un peu les grands rhétoriqueurs du Moyen-Âge, mm-hmm. où il y a peu de sentiments et où il y a. Ou alors, pardon. Un des auteurs en a trouvé, oui, pardon. Mais c'est au-delà, disons, de la virtuosité. Oui. Au-delà de la virtuosité formelle qui existe. Je pense qu'il faut. Il y a quand même un sentiment du plaisir. Je trouve que ce n'est pas bien d'opposer le sentiment et la contrainte. Je pense que la contrainte rend le sentiment possible pour des gens à qui le sentiment n'est pas forcément un mode d'expression, disons, direct, naturel. Et donc, il ne faut surtout pas opposer. Je pense que le choix de la contrainte est un choix qui est un choix sentimental, prenons les choses dans ce sens-là, qui engage... on a une relation qu'on a avec une contrainte, comme on a une relation avec un sujet ou comme on a une relation avec un objet. C'est quelque chose... Le choix de la contrainte n'est pas du tout une imposition extérieure, artificielle. C'est déjà un engagement dans un prototype d'œuvre ou dans un projet d'œuvre. Et c'est cet engagement-là et cette contrainte-là qui va rendre cette œuvre possible dans son mm-hmm. aspect sentimental autant que dans son autant aspect technique, physique, technique. Il n'y a pas de différence. Et je crois qu'il est toujours très, très dangereux d'opposer. C'est vrai qu'il nous arrive à l'Oulipo de faire des exercices sous contrainte qui ont caractère d'exercice, mais ils ne sont jamais présentés autrement que comme ça. Voilà. Mais il viendrait à l'idée de personne de penser que la contrainte de la disparition est sans fond, et sans raison, de penser que la structure de la vie mode d'emploi n'a pas de fondement et n'a pas d'influence sur la narration de Pérec. Et je pense qu'il est absolument impensable de dire que le chiffre 3 introduit quelque raideur ou quelque dureté ou quelque extéritorialité du sentiment dans l'épopée. Donc, je crois qu'il faut surtout bien se garder d'opposer ces deux choses-là et que c'est leur réunion à ces deux choses-là qui fait l'Oulipo. Sinon, ça fait les sites, ça fait Fatrasi. Ouais. Fait Fatrasi, ça fait Zazipo. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont absolument formidables. C'est de la haute virtuosité technique, mais il n'y a pas précisément cette irruption et ce développement du sentiment qui fait l'écrivain, qui l'a toujours fait et qui continuera toujours à le faire. J'en conclus que je me suis mal exprimé, car je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Nous sommes d'accord. Donc la vie est belle. Voilà. Je l'ai mal dit. Non, mais c'est exactement ça. Alors, je vais te poser une question naïve, mais c'est juste pour te permettre de nous raconter les choses. Oui. Est-ce que tu te souviens de la manière dont tu as écrit Jacob, Menahem et Nimoun? Et donc, là, voilà la question naïve. Est-ce que les choses se sont vraiment passées dans l'ordre où tu les racontes dans le livre? Ou... voilà, tu vois, mais pour montrer comment tu as travaillé sur les choses, de quelle manière ça s'est passé dans la genèse du livre? Ça ne s'est pas du tout passé. C'est un peu ce que je pense. C'est bien ce que je pense. Bien entendu. Bien entendu. J'ai quand même la vraie idée que j'ai réussi à écrire le livre quand j'ai eu l'idée de la phrase initiale qu'on pourra lire. Oui. Oh, je ne la connais pas. Oh, tu la connais pas. Le samedi matin, il faisait toujours beau. Et je ne crois pas qu'il y ait eu au monde depuis ce temps-là d'aussi radieuses journées. Et donc, quand j'ai eu l'idée de faire une première phrase sans suite et de faire tout le livre à la recherche d'une deuxième phrase, ça a été vraiment un moment important dans l'écriture du livre. C'est-à-dire que j'ai écrit cette phrase et puis j'ai eu l'idée de raconter les circonstances dans lesquelles cette phrase aurait été écrite. Et donc j'ai introduit, parce que je voulais introduire l'idée de toute la mémoire du monde, donc j'ai introduit la bibliothèque de l'école normale, parce qu'il fallait que ce soit dans une bibliothèque, parce qu'il fallait que, il allait être beaucoup question de latin, j'ai introduit le fait que j'étais en train de faire, de travailler sur Saint-Augustin et sur l'Afrique, enfin, et sur l'Afrique romaine, etc., etc. Tout est absolument, a été calculé pour que ce chapitre soit vraiment autour de cette première phrase, l'annonce de tout le reste. Si on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a même un rayon de soleil, un moment qui arrive et qui est la définition même de ce moment initial. Enfin, tu vois, tout a été fait comme ça, et ensuite, petit à petit, j'ai essayé de caser des morceaux que j'avais déjà écrits dans des chapitres. J'ai essayé de faire des chapitres qui ne soient ni chronologiques, hein, ce n'est pas, si tu as pu voir, que ce n'est que ça. Ne soit pas donc complètement chronologique, et qui introduise peu à peu des thèmes et des informations. C'est-à-dire que j'avais une espèce de cahier des charges, il fallait donc que je parle de mes grands-parents, il fallait que je parle un peu de l'histoire du Maroc, il fallait que je parle de ma famille, et de tel et tel. Et donc, il fallait que je trouve pour chaque chapitre les éléments historiques réels qui auraient figuré normalement dans une vraie épopée familiale et qui étaient là évoqués de façon plus rapide. Voilà. Enfin, c'est la phrase initiale elle-même. C'était ma phrase initiale. Donc c'est vraiment un reste. Oui, absolument. D'un projet. Oui, la phrase initiale, c'était vraiment le samedi matin, il faisait toujours beau. C'était ça, la phrase initiale. Ensuite, j'ai rajouté la deuxième partie. Mais le samedi matin, il faisait toujours beau. J'ai toujours pensé, à 20 ans, ou même peut-être avant, que j'écrirais un livre qui commencerait comme ça. Parce que c'est vrai que une des choses fondamentales de mon enfance, c'est qu'il faisait toujours beau le samedi matin. Oui, dans l'enfance. Il faisait une chaleur de 33 degrés. Était absolument désert. Et la toute jeunesse, de toute façon, il y avait le souhait d'écrire des. Oui. Mais cette phrase-là, non, elle est. C'est plutôt vers 17-18 ans. Oui. Donc je l'ai resitué, je l'ai complété, remise dans un tout autre cadre. Et surtout, vraiment la chose capitale, c'était de faire le livre autour de l'impossibilité d'une deuxième phrase après celle-là. Et l'idée de l'épopée, elle a été conçue sur mesure. Pour le livre, à partir de la volonté de dépasser la première phrase, ou c'est quelque chose qui existait précédemment? C'est quelque chose qui existait, oui, j'avais envie. D'une épopée, comment? Oui, enfin non, j'avais envie de... Ou d'une histoire de faire première, de, ouais. Voilà, parce que tout ce que je donne comme dette, ce sont des choses réelles. Oui. C'était vraiment... vraiment, j'avais envie de me raconter ça à ma famille. Bien sûr, oui, ça, ça. Qui me semblait. Non, mais en plus, si tu veux, de ce que chacun de nous a envie de raconter l'histoire de sa famille, il me semblait que mon histoire familiale était peut-être plus intéressante que d'autres, dans la mesure où c'était quand même un moment de l'histoire du Maroc, un moment de l'histoire des rapports du Maroc et de la France, un moment de l'histoire des Juifs du Maroc. C'est vraiment quelque chose de les trois personnages dont je parle ont chacun joué un rôle. Ils ne sont pas, indépendamment du fait que c'est ma famille, ce sont des gens importants. Je voulais le dire, je voulais d'une façon ou d'une autre que ça soit dit. Que ce soit écrit. Et je voulais que ce soit écrit dans un livre en français, parce que c'était l'hommage que je voulais leur rendre, c'était de les introduire dans l'univers littéraire français. Et toute la quête de modèles architecturaux, etc., ça c'est une construction postérieure en fait. C'est du pur. C'est ce qui. Oui. Est-ce que j'ose le dire c'est du pur pipeau, oui. Comme je suis bon en pipeau. On reconnaît bien le vieil orchestre. C'est vraiment le plaisir d'écrire. Tu te souviens de ce personnage de La Peste qui s'appelle Grand et qui n'arrive jamais à dépasser la première phrase de son roman? Je me souviens. Ça relève de la théorie qui dit que quand la première phrase est bonne, le roman suit derrière. Oui. C'est un peu une sorte d'illusion comme ça. Oui. C'est un peu l'idée de Aragon, en fait. Romantique de l'inspiration aussi. Les incipites. Les incipites après. Tout file derrière et il n'y a plus rien à retenir. Ça coule. Ouais. En fait, les gens qui travaillent sur les manuscrits d'Aragon se sont aperçus que ces incipites n'étaient pas toujours au début. Enfin, il venait en route et puis après, il est déplacé. De toute façon, Charabon, Robinet, ça n'arrêtait jamais. Oui, donc il n'y a pas de problème. Ou alors, il n'y a pas de début. C'était du haut débit. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure. Il m'a trouvé le mot juste, l'émotion en fait. C'est ce que j'ai cherché à vous faire dire en fait. C'était ça à la place de l'émotion. Parce que je me disais, oui, la contrainte. La mémoire, mais il y a quelque chose d'autre en fait. Mais moi-même, je ne trouvais pas c'est quoi, donc c'était l'émotion finalement. Et ben voilà. Voilà, on a trouvé l'émotion. Vive l'émotion. Choisi, dans l'émotion, il y a le mot mot, alors c'est déjà pas mal. Hein. Et puis le mouvement aussi. L'émotion. Il y a l'émotion. Pas la motion de censure, mais le mouvement. D'autres questions? J'ai cru comprendre qu'il y avait tout à l'heure eu une allusion à Calvino assis par une. Mais oui, on peut reprendre là-dessus. Je voulais savoir quel était votre rapport avec Calvino, avec son œuvre, s'il avait eu une influence énorme, laquelle. Mon rapport à Calvino est un rapport d'admiration fanatique. Et c'est dans l'inachèvement, par exemple, dans la chose qui démarre et qui. Ne se poursuit pas immédiatement la relation avec Calvino. D'une certaine façon, même la première phrase qui est suivie de rien, c'est un peu comme le premier chapitre qui n'est suivi de rien. Et la construction ternaire dont vous avez parlé, on la retrouve fortement chez lui, absolument. Pas l'hommage, je considère. Elle est aussi chez lui. Très fort. Là, c'est marqué fortement. Fortement. Chez lui. Oui, oui. Non, j'ai été très très influencé par Si par une nuit d'hiver, que je trouve un livre. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'œuvre de Calvino, parce que moi je suis fanatique de avec livres, le sein nu, avec le sein nu que j'adore. Non, mais je passe ma vie à parler d'un livre qui parle de livres. Pour moi, voilà, c'est ça. Tous mes livres ne se font dans les quelques livres que j'ai écrits, c'est toujours l'histoire de livres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, Calvino, Si par une nuit d'hiver, c'est 10 livres en plus. Ce n'est pas un livre, puisqu'il y a 10 chapitres, 10 premiers chapitres différents. Et donc, ça a été fondamental pour moi, pour, en particulier pour Jette ce livre, parce que c'est là que j'ai eu la suggestion de faire un livre qui, où il y a le livre réel, le livre qui est dans le livre, le lecteur réel, le lecteur qui est dans le livre, et d'arriver à faire en sorte que le lecteur qui est dans le livre devienne le lecteur réel. Le lecteur réel s'identifie au lecteur qui est dans le livre. Voilà, c'est ça que j'ai voulu faire dans Jette ce livre avant qu'il soit trop tard. Et ça m'est venu donc directement, enfin, de la lecture et de la méditation et de Calvino. Alors sinon, il y a tout le reste de Calvino qui est merveilleux. Ce que j'adore chez Calvino, c'est ça, le fait qu'il part d'une situation donnée, arbitraire, puis il en tire toutes les conséquences, possibles. Enfin, le baron perché ou le vicomte pourfendu, ça a été aussi pour moi quelque chose de capital, parce que précisément cette idée que à partir d'un, on peut inventer une situation et ensuite en tirer toutes les conséquences, et que tout devient normal une fois qu'on a donné le point de départ. Pourrait-on parler presque de démonstration mathématique? Oui, voilà. Il y a les prémices. Oui, absolument. C'est une démonstration. Tout suit de la façon la plus normale du monde. Et ça, c'est chez Calvino que j'ai écrit ça. Est-ce que tu as eu la tentation d'écrire un livre sans aucune contrainte, linéaire, sans aucun travail d'élaboration? Non, je serais incapable. Ou jamais. Je serais incapable. Comme Perec disait qu'il était incapable d'écrire un poème sans contrainte. Oui. Je serais totalement incapable d'écrire quelque chose. Parce que je n'en verrais pas la nécessité. Oui, je comprends. Et je n'y aurais aucun plaisir. Il n'y aurait pas de défi, il n'y aurait pas de... Pourquoi le faire, puisqu'on peut le faire? If it can be done, why do it? Belle formule. C'est la citation favorite de Roux. Ah. Oh, bah alors, allez, je vais encore. J'ai une petite communication à faire. C'est, le téléphone a sonné tout à l'heure, je m'en excuse. C'était Hervé Letellier, donc je l'ai sommé d'écrire en SMS plutôt que d'appeler au téléphone puisque j'étais ici. Et il téléphonait précisément pour s'excuser de ne pas être là. C'est pas la SMS. Il dit j'ai un problème de plomberie, bise à Marseille. Voilà. Je ne parlerai pas de l'état de la plomberie d'Hervé. Comment ça s'appelle en terme oulipien? Alors c'est pas la belle absente, c'est le beau absent. Le bel absent. Le bel absent. Le bel absent. C'est le bel absent. Mmh. Donc il était le bel absent de cette réunion. Ouais. Ah, j'aurais voulu dire deux mots quand même encore. Oui, oui, prends. Nous avons encore quelques minutes. Quelques minutes. Oui, à propos du recyclage précisément. Mais je tiens beaucoup à cette idée du recyclage. Et je ne l'utilise pas de la même façon que d'autres l'utilisent. Thierry Foulque nous a offert hier Les Nègres du Kilimandjaro. Oui, c'est un roman puzzle qui est fait de citations. Il ne fait que de citations. Voilà. Comme le livre de Jacques Rivet, comme Les Demoiselles d'Arles. Oui. Il y a une présentation officielle demain dans une librairie. Ah bon? Je l'ai lu en façon non officielle ce matin. Oui. Je l'ai regardé ce matin, et puis Les Demoiselles d'A aussi. Oh, alors voilà. On des occupants, on fait la même chose. et ça m'a fait réfléchir que je serais. C'est le salon de la bibliophilie. Je ne serais vraiment pas du tout, du tout. Je ne ferais pas ça. Parce que j'ai reçu un mail pour. Ce n'est pas quelque chose qui me tente, que j'aurais envie de faire. En revanche, il y a une chose que j'ai très envie de faire, dont j'ai parlé aux Oulipiens il y a très longtemps et que je n'ai jamais vraiment encore fait. Je voulais faire un journal intime d'un personnage que j'ai appelé Intimus. Un journal intime fait, jour après jour, de citations prélevées dans de vrais journaux intimes, avec les dates de et chaque fois à la bonne date. Et ça, voilà, je trouve que ça irait plus dans le sens de du projet qu'on avait eu avec Pérec et qu'on n'a jamais fait, mais qui lui a ensuite servi à faire Le voyage d'hiver, et qui était le roman du 19e siècle. Hein. Vous voulez prendre la gare des Michards et prendre tout dans l'ordre, tous les extraits d'un roman du 19e siècle figurant dans le volume de la gare des Michards, et de faire avec ça, de décrire le tissu interstitiel qui permettrait de passer de l'un à l'autre et d'en faire donc le roman du 19e siècle. Il y a Elisabeth Chamond. Ah, pardon. Oui, vas-y. Je savais que tu avais fini. On ne l'a jamais fait, mais.